Diplomatique avant d'expliquer avec un éclate. Quand on s'enfonce dans les mamoites, tes yeux deviennent rouges écarlates. Premier qui bouge sur la gauche, sur la droite, tu lui mets la main dessus, ensuite tu le débattes. C'est pas la meilleure méthode que tu convois, trop peu de bonnes raisons pour aller te battre. Je prends le mic, je ne fais pas la marque comique. Je le prends comme un gros con, qu'elle attaque 5. Pour les jaunes, pour les noirs, pour les blancs, pour les métèques. Je prends le mic, je ne fais pas la marque comique. Je le prends comme un gros con, qu'elle attaque 5. Pour les jaunes, pour les noirs, pour les blancs. Quand assiste à la 7, à la 8, l'essentiel c'est qu'avec toi-même tu sois kitsch. Malgré les blèmes, la fatigue en profite, t'es les mines qui gênent. Rebouche les fuites, je voulais que tu traînes, faut que tu les quittes. Pourquoi tu freines alors qu'il faut que t'ailles vite? Point tu gagnes, puis tes pensées sont petites. Tant de hargne pour si bon et plus vite. On veut tous faire partie de l'élite, à la fin c'est tout le monde que l'on mérite. Prends exemple et faut pas que t'émites, y'a que des mauvais maîtres et pas de mauvais bits. Pour les traites, les carottes sont cuites, c'est pas seul la crête t'as dans la limite. Je prends le mic, je ne fais pas la main comme mec. Je le prends comme un gars quand Canada a 5. Pour les jaunes, pour les noirs, pour les blancs, pour les métèques. Je prends le mic, je ne fais pas la main comme mec. Je le prends comme un gars quand Canada a 5. Pour les jaunes, pour les noirs, pour les blancs. Me déclare que c'est un fake canard à la vôtre. Mon terrain de chasse, le live, le direct. En fake je mange. La foi, la force et le respect. Mais c'est le son que les rondes respectent. Et celui que les kefs détectent. En vrai dire, ça me débecte. De plus, le trash te donne le nec. C'est mieux que la mêle qui les injecte. Lâche ta pose, appuie sur rec. Tu fais sans gros bien en fake. Un gars assume la vie dans mes sans deck.